Chapitre 17e, les champignons. Et le rat poursuit son œuvre. Les lambertins furent expédiés en masse, excepté celui d'entre eux qui était élève en médecine et qui, par bonheur pour lui, n'assistait pas au déjeuner offert à toute la famille par lambertin aîné, l'hyperbère, parce qu'il bégayait. À la suite de ce repas, toute la famille mourut dans des coliques atroces. La justice fit son enquête. On constata que Madame Lambertin aînée avait pris l'habitude, depuis 2 mois environ, de se fournir auprès d'un marchand ambulant qui vendait à un bon marché, tel qu'il avait eu aussitôt une bonne clientèle. Ce vendeur avait livré à Madame Lambertin des champignons vénéneux, faux-cèpes très difficiles à distinguer des vrais. La famille qui était de Bordeaux adorait les cèpes et le plat avait été accueilli avec faveur. Ces pauvres Lambertin n'avaient pas laissé une bribe de champignons, ce qui sauva les domestiques d'un trépas certain. On chercha le vendeur, disparu. À la suite du crime, Favel alla trouver le préfet de police. Il fut le bienvenu. « Docteur, lui dit le préfet, je sais pourquoi vous venez ici. Vous trouvez étrange que l'on ait essayé de frapper Mademoiselle Fernande, n'est-ce pas? Vous allez me dire que le canotier qui a révélé à Monsieur Le Noël la conduite de sa femme, que ce canotier, dis-je, pouvait avoir été payé pour cela. Vous allez enfin me démontrer que le revendeur qui a empoisonné la famille Lambertin était payé par la main qui a déjà dirigé l'affaire de votre pupille et celle de Monsieur de Nérac. Cette main, vous jurez, vos grands dieux, qu'elle appartient à la comtesse Vitchenska. Eh bien, docteur, c'est ma conviction. Mais... Ah, il y a un mais, dit Favel. Le préfet reprit. Oui, docteur, il y a un mais. Il y en a 2, il y en a 3. Le premier mais, c'est que nous n'avons aucune preuve contre la comtesse. Soit, fit Favel, j'admets cela. Mais il reste le crime tenté sur ma pupille, oui. Mais les 2 coupables sont en fuite. Rien ne prouve que la comtesse les ait payés et soit leur complice. Le préfet reprit. Voilà pour le premier mai, dont je vous parlais au début. Le second mai, c'est l'ambassade autrichienne auprès de laquelle la comtesse jouit d'un crédit considérable. Nous ne saurions accuser à la légère une femme haut placée qui est l'amie de l'ambassadrice, d'une puissance amie. Le troisième mai, c'est que la comtesse est au mieux avec les femmes et les hommes les plus influents de l'entourage de l'impératrice. Toucher à la comtesse, sans l'écraser sous l'évidence des crimes commis, c'est la rendre plus forte que jamais et lui donner l'audace pour l'avenir. Après avoir prouvé son innocence une fois, elle se mettrait hors d'atteinte pour les autres crimes. Favel sentit que le préfet était dans le vrai. Il baissa la tête. « Cependant, docteur, dit le préfet, je vous prie de ne pas rester inactif et si je saisis les preuves, j'agis sans hésiter. » Le docteur n'avait plus qu'à prendre congé. Il le fit et s'en alla fort blessé avec le pressentiment qu'il serait bientôt frappé.